Les 13e exposés et exhibitions de nanotechnologie du pays sont ouverts le 24 courant sous les auspices du Comité central de la Fédération générale des scientifiques et des techniciens de Corée au département d'État de la nanotechnologie. Y ont figuré des cadres scientifiques, techniciens, enseignants, chercheurs et membres du doctorat de l'Université Kim Il-sung du département d'État de la nanotechnologie ainsi que d'autres établissements. Plus de 90 dissertations y ont été publiées, une centaine d'espèces de produits et matériaux y ont été exhibées.